Rebonjour. On va se remettre en place pour notre après-midi. La première conférence donc de cet après-midi va porter sur l'auto-hébergement par Benoît Vézina. Benoît est un informaticien passionné qui programme et développe des projets basés sur les logiciels libres. Et il a organisé cet été chez lui plusieurs séances de travail pour produire tous les logiciels nécessaires à l'auto-hébergement sur le Raspberry Pi. Donc c'est vraiment le fruit de son travail qui va vous présenter. Et c'est un travail quand même où il a été aidé par quelques collaborateurs. Mais c'est grandement plusieurs heures, si ce n'est pas deux jours, pour bâtir tout ce qu'il faut pour l'auto-hébergement. Benoît. Ben bonjour, moi je vais changer un peu de format, je vais essayer plus d'être interactif avec vous, je vais commencer par expliquer la base, puis après ça, ben, écoutez, vous allez me diriger où vous voulez que je vous dirige, donc c'est ça. L'idée en arrière de tout ça, c'est, bon, moi ça fait quand même une quinzaine d'années que j'héberge mes propres services, j'ai commencé à la dure, à apprendre toutes les technologies, à faire ça, à apprendre comment sécuriser son serveur, à apprendre comment l'installer, tout ça. Puis au fur et à mesure, la donne, elle a changé. Avant, on était obligé d'installer une machine en entier, de piler chacun des services, de s'organiser que tous les services s'entrelacent d'une manière très, très, très serrée. Maintenant, ça a changé avec, en premier, la virtualisation. La virtualisation, ça a apporté la possibilité de créer des machines virtuelles puis les intriquer entre elles. Donc, on a comme divisé l'équation pour mieux régner. Donc, on a commencé à avoir, par exemple, un serveur dans une machine, puis on disait « Ah, j'aime ce service-là, je vais le dupliquer. » On pouvait dupliquer notre service à l'infini, mais on générait à chaque fois une machine virtuelle. Après ça, il est arrivé quelque chose d'autre. On a appelé ça la mise en conteneur. Donc, c'est là-dessus qu'on va vous enligner. La mise en conteneur, ça change la donne là, d'une manière drastique. La mise en conteneur, ça permet de prendre des applications extrêmement complexes puis de les mettre dans quelque chose qui ressemble à une cartouche Atari. Excusez pour les plus jeunes, mais les cartouches Nintendo, si vous préférez, là, pour les plus jeunes. C'est vraiment, on va mettre notre logiciel dans un état où on peut le relancer de n'importe où. Et ce qui est le fun, c'est que finalement, tout le monde a décidé de coucher avec cette technologie-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a sur Macintosh, on l'a sur Linux, on l'a sur Windows. Et c'est une technologie qui devient très, très, très intéressante du fait que plus on pile des services, moins ça prend de place. Parce que l'image est de base. Donc, si on veut monter plusieurs fois une base de données, bon, on va avoir le code une fois. Et chaque container va avoir les datas et un lien vers le code. Donc, on arrive à quelque chose qui est très, très, très petit en tant qu'exécutable quand on se pile. Mais il y avait beaucoup de choses qui nous empêchaient de faire de l'hébergement maison. Une des premières choses qui nous empêche de faire de l'hébergement maison, c'est la politique de nos hébergeurs, de nos fournisseurs d'Internet. La politique de nos fournisseurs d'Internet, c'est quoi? C'est on vous donne un accès complet à Internet, mais on vous empêche de diffuser sur le port 80. Pourquoi? Parce que le port 80, c'est le port web que tout le monde utilise actuellement. Donc ça a vraiment tué beaucoup de monde. Personne ne pouvait héberger vraiment chez lui parce que c'était compliqué. La seule manière alternative qu'on avait de faire ça, c'était de le faire sur le port HTTPS, donc en manière sécure. Mais pour faire cette partie-là, bien, on avait une complexité de taille qui était d'avoir un certificat. Et ce certificat-là coûtait des sous. Jusqu'à il y a quelques années, où Google s'est décidé de travailler avec la communauté et de nous offrir un service qui s'appelle Let's Encrypt. Ce service-là a permis à des gens de commencer à avoir des certificats sans les payer. Les certificats permettant de travailler sur, de manière, un, sécurisée, et deux, sur un port qui n'est pas bloqué par Vidéotron, Bell et compagnie. Donc, on avait déjà une piste qui était alignée vers ça. Le problème qu'on avait suite à ça, c'était la difficulté d'obtenir ce certificat-là, parce que les premiers systèmes demandaient à ce qu'on valide sur le port 80 qui était bloqué par Vidéotron. Donc, on n'était pas capable d'utiliser Let's Encrypt sur une connexion résidentielle, alors que sur une connexion commerciale, ça fonctionnait d'emblée. Donc, là est arrivé d'autres intervenants qui ont décidé « Hey, pourquoi on ne cherche pas une autre manière de valider qui tu es. Parce que la manière de valider qui tu étais, c'était de t'envoyer un message sur le port 80, de voir si tu répondais. Puis comme le port 80 est bloqué, puis qu'on veut passer sur le 443 en sécurisé, donc c'est impossible de le faire. Fait que là, sont arrivées les validations via les DNS. Donc, ce que ça veut dire, c'est que généralement, quand tu décides de t'inscrire sur Internet, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est avoir un nom. Donc, si tu prends le temps de t'acheter un nom, parce que malheureusement, ça passe par un achat, tous les problèmes finissent par se régler. Donc, la première chose, on ne va pas te donner l'exemple de Daniel. Pour Daniel, la solution a passé par acheter pasco.ca, qui a permis par après d'utiliser un fournisseur de services DNS qui s'appelle Cloudflare, qui s'intègre de lui-même dans l'EdSenseCrypt. Donc, de cette manière-là, on arrive avec un système où, même si on n'a pas accès au port 80, on est capable d'obtenir notre certificat SSL. Une fois qu'on a notre certificat SSL, on est sur le port 443, qui est tout à fait débloqué de la plupart de nos fournisseurs. En tout cas, je n'ai pas encore rencontré qui bloque le 443. Si vous en rencontrez, avisez-nous, ça va me faire plaisir de le dire à tout le monde, de les éviter au plus possible. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que ça, c'est devenu possible. Après ça, d'être devenu possible, c'est de le rendre accessible. Parce que la possibilité, on l'a depuis, je vous dirais, 2-3 ans, c'est faisable, mais ce n'est pas facile. La manière de le faire, que moi j'ai décidé de rendre ça plus simple, j'ai fait un petit script, puis un fichier qui est comme ce qu'on appelle un descriptif de pile. Et ce script-là et ce descriptif de pile-là, vous pouvez les récupérer sur le site framagit.org/linux. Vous allez voir les deux dépôts qui sont reliés à ce projet-là. Et l'installation pour s'héberger soi-même, je ne le ferai probablement pas live ici, dépendamment si vous voulez vraiment ça, je le ferai plus là-bas. Moi, je vais plus parler que vous montrer. Je vais préférer vous faire ça de l'autre côté si ça ne vous dérange pas. L'installation se fait très simplement. On va récupérer deux fichiers. Puis ces deux fichiers-là, on va les lancer. On va lancer le premier qui va utiliser le deuxième. Donc, c'est très, très, très simple. La question, le prérequis, c'est d'avoir soit un Raspberry Pi, soit d'avoir un vieil ordinateur. Si vous avez un vieil ordinateur, ça se fait simple. La suite, c'est d'installer une distribution Linux. Je recommande Ubuntu, mais ça pourrait être n'importe laquelle. Et c'est quelque chose qui est très simple, installer une distribution Linux aujourd'hui. Si vous êtes capable de graver un CD aujourd'hui ou de créer une barrette USB, vous êtes en mesure d'installer Linux. Il n'y a aucune complexité à installer Linux. Généralement, ça se fait en 5 questions. C'est quoi le nom de l'usager? C'est quoi son mot de passe? Dans quelle time zone il vit? Et est-ce qu'il veut utiliser tout le disque dur? Généralement, ça se résume à ça, les questions qu'on se fait poser lors d'une installation Linux. Donc, c'est quelque chose qui est très simple, installer Linux. Récupérer des fichiers sous Linux, c'est quelque chose de très simple. C'est une question de lancer la commande wget espace le nom du fichier qu'on veut récupérer sur Internet. Donc, on s'entend, ces lignes-là, d'ailleurs, vous allez les retrouver sur le site de Framagit. Vous allez pouvoir les copier dans votre terminal ou dans votre outil quelconque pour pouvoir installer ces deux morceaux-là. La troisième étape, une fois qu'on a installé notre Linux ou notre Raspberry Pi et puis on est prêt à installer ça, c'est de lancer le fichier install. Et lui va vous poser des questions. Les questions qu'il va vous poser, c'est quoi le nom de la machine que tu as pris? Donc, le nom de domaine que tu as enregistré, là, c'est quoi? Sous quel nom tu veux qu'il soit rejoignable, finalement? Ensuite de ça, il va vous demander, c'est quoi le compte que tu as chez Cloudflare? Il va vous demander l'adresse courriel et ce qu'on appelle la clé d'API chez Cloudflare. Et il va vous demander, je pense, c'est le nom de domaine global dans lequel on va fonctionner. Et la pile, c'est une pile intelligente. C'est une pile qui, quand elle va être lancée avec ces paramètres-là, elle va vous lancer ce qu'on appelle un portainer et un trafic. Portainer, c'est une interface qu'on a vue passer dans les présentations de Daniel qui permet de générer des applications, de lancer des applications et de manipuler des applications Docker à partir d'une interface web. C'est quelque chose de très facile à utiliser. Mais ça ne serait pas complet s'il n'y avait pas de trafic. Trafic, ça, c'est la frontale en avant. Cette frontale-là, c'est elle qui va décider où envoyer. Quand quelqu'un décide d'aller rejoindre Daniel, le site photo.pasco.ca, Trafic, lui, c'est lui qui reçoit l'appel. Et lui, il fait la première chose, il regarde, est-ce que moi, j'ai mon certificat EdSenseCrypt? Est-ce que je suis capable de répondre en 443, en sécurisé? S'il n'est pas capable, il va aller le générer. Donc déjà, si on a fourni toutes les informations, notre ami Trafic va automatiser quelque chose qui, il y a quelques années, coûtait 1 000 $ le certificat. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fantastique à ce niveau-là. Et c'est lui aussi qui va décider de dire, OK, quand c'est photo.pasco.ca, moi, j'envoie ça à PeeWeeGo. Et quand c'est docuwiki.pasco.ca, j'envoie ça à DocuWiki. Donc, on est en mesure de mettre plusieurs services et la manière, normalement, de configurer tout ça, c'est assez compliqué. Mais avec Trafic, c'est très simple. Le système, c'est simplement, moi, j'ai sorti les champs, c'est ce qu'on appelle des labels. J'ai sorti 2 labels, une label pour être capable de dire, voici sous quel nom de machine je veux répondre. Et en répondant, en populant, en donnant de l'information dans ce label-là, Trafic, lui, sait lui-même comment être capable de se connecter. Quand je reçois, quelqu'un m'interroge sur tel nom de machine, je l'envoie vers tel service. C'est ça le principe de fonctionnement en arrière de Trafic et de Portainer. Nous autres, on a décidé de pousser ça un petit peu plus loin. Donc, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a pris ce système-là et on a créé ce qu'on appelle des templates. Donc, on a pris certaines applications, particulièrement pour le Raspberry Pi, parce que pour le PC, on n'aurait pas eu besoin de faire ça. Mais pour le Raspberry Pi, il n'y avait pas de pile intéressante, vraiment bien faite pour Portainer. Fait que vous allez trouver, dans la documentation que vous allez trouver sur le guide en question, une ligne à remplacer. Donc, on va simplement changer la source des templates. Au lieu de prendre les templates officiels de Portainer, on va prendre les templates qu'on a créés. Et ça, ça va nous offrir des piles. Et les piles, quand on s'en va pour les activer, ça va être les piles qu'on va avoir préparées. Donc, ces piles-là, s'il y en a qui manquent, puis s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous voyez des applications courantes que vous auriez voulu voir, que vous ne voyez pas là-dedans, vous pouvez toujours aller sur Framagit puis faire une demande. Moi, je vais regarder les demandes. S'il y a beaucoup de monde qui veulent, par exemple, des WordPress, bien, j'en ferai une pile WordPress pour Raspberry Pi si on n'en trouve pas une déjà toute prête. Mais il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock prêt. D'ailleurs, c'est petit sourire, quand on dit c'est grâce à moi que... Non, j'ai presque rien fait. Comme je vous dis, j'ai fait 2 fichiers pour tout ça. Tout ce que j'ai fait, c'est amalgamer les morceaux qui étaient intéressants à droite puis à gauche, faire un petit fichier qui va lancer ces morceaux-là en ordre avec les bonnes informations. C'est ça qui est le fun de l'informatique libre. On ne pourrait pas faire ça dans un monde propriétaire. C'est parce qu'on ne peut pas ramasser les morceaux qu'on veut dans un monde propriétaire. Dans un monde libre, on peut ramasser les petits morceaux qu'on veut, les intriquer comme on veut. Et c'est ce que j'ai fait, moi, dans ce projet-là. J'ai juste ramassé les meilleurs du web pour faire ça. Et j'ai créé un petit script pour automatiser l'insertion des paramètres dans cette pile-là. Il y a vraiment, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est vraiment à portée de tout le monde. Ce qui est intéressant quand on commence à faire son propre hébergement, c'est de voir qu'est-ce que ça peut nous apporter, qu'est-ce que ça peut remplacer. La première chose, bien là, il y a plein de choses que je vais reparler, que vous allez avoir, vous avez l'alternative toujours entre l'auto-héberger ou l'envoyer chez un hébergeur éthique ou un chaton. Donc, le principal service que je pense que tout le monde devrait avoir à la maison, c'est Nextcloud. Nextcloud ou OnCloud, dépendamment de la couleur que ça vous tente de prendre, parce que c'est tous les deux le même produit, mais qui ont comme fait 2 gangs qui développent 2 produits différents maintenant. C'est un système qui va vous remplacer un Dropbox. Dropbox qui, si on regarde, « Ah, c'est gratuit, Dropbox. » Non, non, Dropbox, c'est gratuit pour te donner le goût de l'utiliser. Mais quand tu as commencé à jouer un peu, un jour, tu vas avoir la petite notification qui va dire « Tu n'as plus assez d'espace. Maintenant, tu dois payer 99 $ par année. » Donc, c'est toujours des choses comme ça. Les produits gratuits sont souvent des tremplins vers des produits payants. Et avec la partie Dropbox, bien, vous allez pouvoir l'héberger à la maison. Si vous avez besoin d'un disque dur de plus, bien, on va simplement ajouter un disque d'espace de plus. On va simplement ajouter un disque dur ou une barrette USB au Raspberry Pi pour donner plus de stockage. Donc, on n'a pas de limitation vraiment au niveau des techniques. C'est nous qui va finir par être les limitations. C'est nous qui allons imposer ces limites-là. Donc, dans les autres, si on continue juste à regarder avec Nextcloud, c'est un système qui, si je prends pour une famille, ben, tu as un partage de fichiers. Donc, des fois, c'est intéressant, puis des fois, le monde ne savent pas comment le faire. Moi, j'en connais encore qui, quand ils veulent s'échanger un fichier dans une même maison, ils vont le mettre sur une barrette USB pour l'envoyer sur l'autre ordinateur. Avec un système comme Nextcloud, on va être en mesure de partager un répertoire ou des répertoires avec des gens dans la maison ou à l'extérieur. Ça va nous donner un accès, comme Dropbox fait, des documents à l'extérieur. On va pouvoir aussi envoyer des liens. Donc, si on veut partager un fichier, par exemple, pour 2 semaines à quelqu'un, on va pouvoir aller sur l'interface web de OnCloud et cocher ce fichier-là, je le partage par lien et je le partage pendant 2 semaines. Voici l'adresse du lien que ça génère et on va envoyer le lien à la personne. La personne va simplement cliquer dessus et le fichier va se télécharger jusqu'à la date d'échéance. Donc, c'est le genre de services qui sont simples à implanter. Puis, c'est vraiment pas compliqué. La démonstration, comme je vous dis, je vais plus la faire de l'autre côté parce que ça me prend comme plusieurs écrans, plusieurs ordinateurs pour pouvoir tout montrer. Fait que c'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'être en mesure de remplacer des services qu'on prendrait normalement puis qu'on les héberge nous-mêmes. Là, ça dépend toujours de qu'est-ce que vous avez comme besoin. C'est là que je voudrais plus être en interaction avec vous autres pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour voir comme pile, comme solution pour vos besoins d'hébergement. Parce que la plupart des gens, après le Nextcloud, c'est des besoins qui sont très différents. Par exemple, Daniel, c'est un fanatique de photos. Daniel, lui, c'est PeeWeeGo, qui est son logiciel de prédilection pour gérer des photos. Moi, je suis un fanatique de Houdou. Fait que j'ai une pile Houdou qui me permet, qui est un logiciel de gestion de compagnie que j'ai mis dans les templates. Et on a une pile en préparation qui n'est pas terminée, qui est un couch potato. Je ne sais pas si des gens connaissent un peu la pile Couch Potato, mais la pile Couch Potato, c'est une pile pour aller chercher des films sur Internet. Là, on ne parlera pas des VPN et des teneurs légales de tout ça, là. Mais Couch Potato, c'est je vous dirais qu'une des utilités intéressantes de Couch Potato, c'est d'aller chercher ce qui a été broadcasté sur les on-air. Excusez d'utiliser le terme anglais, mais ce qui a été diffusé sur les ondes hertziennes, si on peut encore dire ainsi. Donc, souvent, on n'a pas nécessairement un enregistreur numérique. Ça a passé sur Radio-Canada, mais il y a quelqu'un quelque part qui l'a mis sur Internet. On peut automatiser une machine pour aller nous chercher tous les derniers districts 9 ou unité 31, pour ne pas donner de vrais titres, qui viennent de sortir et les avoir automatiquement rentrés dans le système. Couch Potato sera un système dans ce genre-là. Donc, lui, il va suivre des sites pour trouver les séries, les épisodes qu'on a décidé qu'on voulait récupérer. Il va les récupérer pour nous. Donc, c'est des genres d'applications qu'on peut rouler sur un Raspberry Pi, puis héberger chez soi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des besoins particuliers, qui voudraient savoir comment on peut les résoudre avec ce type d'hébergement. Oui? Oui, ben le serveur de courriel est toujours une autre problématique. Parce que la plupart des hébergeurs vont bloquer l'autre port qui tue, le port 25. Donc, il y a deux ports que les hébergeurs ont l'habitude de barrer. C'est le port 80 puis le port 25. Le port 80, c'est pour faire un serveur de poste, de serveur web. Et le port 25, c'est pour faire un serveur de courrier. En théorie, ça se fait. En pratique, c'est compliqué. Mais oui, il y a une pile qui s'appelle post.io qui est autoportante. Il y a une fork de cette pile-là qui s'appelle FreePost aussi, qui est très autoportante aussi, qui fonctionne très bien, qui peuvent s'utiliser. C'est juste de voir c'est quoi ton dernier relais ou ton premier relais. Parce que souvent, maintenant on a un nouveau port, le port 587, qui devrait pouvoir être utilisé de manière transparente versus le port 25. Mais il y a quelques serveurs de courrier qui ne sont pas compatibles avec ça. Mais en général, je dirais oui, c'est faisable. Mais en général, les compagnies comme Bell et Vidéotron vont nous mettre des bâtons dans les roues pour le serveur de courrier. Est-ce que d'autres... oui? Aucun problème. Par contre, généralement, on va parler d'une pile, puis on va parler de l'applicatif dans la pile avec la base de données. Donc, on ne va pas rouler que... Je vais donner un exemple. Si tu prends un WordPress, par exemple, la pile va contenir 2 conteneurs. Un premier conteneur qui va être ton MySQL, ton deuxième conteneur qui va être ton WordPress. Okay? Donc, il n'y a pas de problème. Puis, c'est que toi, habituellement, les bases de données, c'est parce que c'est la chose qu'on veut protéger le plus au monde. Donc, c'est la chose qu'on va fermer le plus d'accès. C'est pour ça qu'on va s'organiser que son applicatif soit dans la même pile que ton conteneur de base de données. Mais, si tu as besoin, il n'y a aucun problème de sortir ton port 3306 ou ton 5437, 5432, dépendamment que ce soit Postgres ou MySQL là, que tu veuilles utiliser, puis de pouvoir te connecter avec Navi4 qui est une interface Windows pour pouvoir se connecter dessus si c'est nécessaire ou d'installer. Moi, je suis plus du genre à installer un Handminer ou un PHP MyAdmin devant, dans ma pile, pour pouvoir manipuler la base de données. Mais la base de données, en général, on ne l'expose pas. Moi, si je peux vous dire une chose, c'est que si je fais une pile chez Libéo puis que j'expose une base de données, je pense que je vais avoir un boss qui va courir après moi. OK. Dans ton cas, moi, j'irais peut-être vers un Odoo. Pourquoi? Parce que c'est pour moi, bon, sans parler du logiciel, je vais parler plus du framework. Odoo, c'est un système de gestion de contenu et de gestion de données d'affaires. Et de la manière dont il a été basé, c'est qu'à peu près, le nerf de la guerre en comptabilité est à deux places, en affaires est à deux places, ta comptabilité et ton inventaire. Fait que le système de Odoo t'amène un API qui te permet d'avoir tout de suite comptabilité inventaire. Ils ont rajouté des modules. Donc, tu as un module maintenant pour faire la gestion d'un site web qui est merveilleux. Mais ce qui est en arrière de ça, c'est un système de base de données SGBD Postgres avec un ORM, une manière de gérer les bases de données qui est vraiment bien faite. La programmation, c'est du Python. Donc, c'est quelque chose qui est lisible par un humain, généralement compréhensible, facile à étendre. Donc, moi, quelque chose, on me dirait, j'ai besoin de gérer des données d'affaires. Ben, tout de suite, je vais dire Odoo, probablement que la plupart des modèles de ta base de données que tu as besoin sont déjà créés dedans. Donc, ne réinvente pas la roue, va vers ça. En plus de ça, tu vas avoir les ACL qui vont déjà être implantés, pas mal mieux que sur Nextcloud ou Dropbox. Tu vas avoir aussi la pile Odoo est vraiment intéressante. La pile Odoo, elle pourrait gérer 100% d'une compagnie. Moi, je dis aux gens, trouvez une utilisation à quelque part. Vous allez tellement tomber en amour avec Odoo, vous allez intégrer tout le reste de vos services dedans. Et c'est vraiment le fun parce qu'il fournit presque tous les services nécessaires pour une compagnie. Comptabilité, inventaire, point de vente, gestion de la paye. Non, gestion de la paye au Canada, j'en parlerai pas. Et ressources humaines, le site web. Puis le site web, il y a comme trois couches. Tu as vraiment une couche client authentifié, une couche visiteur, puis une couche personnelle. Connecté. Donc, on a vraiment comme une manière différente d'interagir avec le site web en fonction qu'on est identifié ou non. C'est une belle plateforme. Puis avec la nouvelle version, la version 11 qui est sortie l'an dernier, la version 12 qui va sortir au mois de prochain, on tombe avec un système qui, de passer de la 10 à la 11, ils ont augmenté les performances. Donc, on parle d'un système qu'à basse charge, on est trois fois plus vite que l'ancien, puis qu'à haute charge, on est neuf fois plus vite que l'ancien. Donc, on parle quelque chose qui est vraiment fait pour être en production. Moi, chez Libéo, on a une coupe d'implantation en Odoo qui fonctionne très bien. Quelques autres qui sont un peu plus problématiques, mais bon, ça dépend toujours de la vieille version d'Odoo qu'on utilise. Mais quelqu'un qui fonctionne avec une version récente d'Odoo, je pense qu'on a une solution qui est vraiment pour combler tous les problèmes, tous les besoins d'une compagnie. Allez-y. C'est pour de non-compétitivité. Il n'y a pas un fournisseur d'Internet que je connais qui n'est pas aussi un hébergeur. Donc, et ils vous ont tout pour vous fermer la boîte, ils vous ont tout donné une page web un bout de temps. Hein, si tu veux héberger, ben, je te donne une page web, mais toi, tu t'appelles videotron.com/bvisina. Et voici, ça, c'est ta page. Ils ont essayé comme ça, mais c'est vraiment une question de non-compétitivité. Il n'y a aucune autre raison de nous bloquer le port 80. C'est que c'est parce que plus ils vont nous ouvrir des chemins, moins on va avoir besoin des autres services qu'ils nous vendent. Et c'est là qu'ils font de l'argent. Ils font beaucoup plus d'argent sur l'hébergement que sur notre connexion mensuelle. Ah oui, c'est parce qu'on n'est pas des gros consommateurs, qu'on est un résidentiel. Il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent, puis notre bande passante est juste d'un sens. On siphonne l'Internet, on ne va pas souffler dans l'Internet, alors qu'un site d'affaires, c'est l'inverse. Et c'est là-dessus là, que les frais là, des bandes passantes en upload sont généralement plus forts, plus chers que les bandes passantes en download. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'hébergement? Un serveur FTP très facile, très simple. Non, il n'y a aucun port qui est bloqué au niveau du FTP. Le FTP va être sur le port 21 en traditionnel, VAN2 en FTP sécurisé. ces deux ports qui sont tout à fait libres partout. Non, il n'y a vraiment que deux ports qui sont problématiques. Le port 25, le SMTP, et le port 80, le HTTP. Les autres ports, là, habituellement, les fournisseurs d'Internet nous les laissent libres, libres, libres, libres, libres. Il n'y a pas de problème. On n'a pas encore, puis là, peut-être que Gabriel pourra me corriger, je pense qu'il n'y a pas encore de fournisseurs d'Internet qui ont commencé à colorer, diminuer la bande passante en fonction de si vous fournissiez ou non un service. Au Canada, on a encore une certaine neutralité du net à ce niveau-là. Je ne pourrais pas dire la même chose des États-Unis. Quelqu'un d'autre? Oui? Oui, les backups, les sécurités. La sécurité, je te dirais qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de ça parce que nos piles, c'est un des avantages de travailler en Docker. Je vous parlais de cartouche Atari. Une cartouche Atari, hein? Vous n'êtes pas capable d'écrire dessus. Hein? C'est à peu près la même chose dans un Docker. Fait que le hacker qui rentre sur votre machine, il ne peut pas changer grand-chose. Puis quand il change de quoi, en Docker, il y a une grosse différence. En informatique, il y a deux mentalités. Il y a le petting et le catling. Le petting, c'est comme quand ceux qui ont un petit chat à la maison puis qui s'occupent de leur petit chat, qui le flattent, qui le minouchent, qui leur donnent à manger, qui l'amènent prendre un bain, qui vont le porter à un endroit pour y faire une coupe de cheveux à la mode. Ça, c'est du petting. Puis ça, c'est ce que la plupart des gens vont faire avec leur ordinateur à la maison. On va le formater, on va ajouter un programme, on va faire une défragmentation, on va faire un backup. On essaie de bichonner notre ordinateur et quand il y a un problème, on s'arrache les cheveux sur la tête puis là, on cherche pour régler notre problème. Quand on tombe en mise en conteneur, on fait du catling. Du catling, c'est de l'élevage. C'est vraiment pour du bétail. Donc, quand on a une vache qui est malade, on sort notre 22, on tire un grand coup puis on en met une autre debout. C'est vraiment le principe en Docker. Et c'est pour ça qu'on a des systèmes qui s'appellent Rancher, qui sont des systèmes d'orchestration de Docker, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'informatique aujourd'hui. C'est quand tu es malade, mon ami, cloc, cloc, pouf, on en met un autre. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne avec les Docker. C'est pour ça que la notion de sécurité n'est pas la même. On va sécuriser énormément nos données. Mais on n'a pas besoin de se casser le coco avec notre code. C'est la différence fondamentale tant qu'à moi versus une implantation bare-bone versus une implantation qui serait faite en container. Donc, au niveau sécurité, il y a ça. Au niveau backup des données, en tenant compte de ça, on a juste une petite partie à copier ou à faire de backup. On ne fait pas de backup de notre applicatif versus ce qu'on ferait sur un Windows. On va simplement faire un backup de la petite couche différentielle qu'on appelle les volumes. Et ça, il y a des outils. Un outil en particulier, c'est Duplicity, qui est une autre image Docker qu'on peut lancer et qui va automatiser les backups à des temps donnés de nos fichiers via un serveur SFTP, justement, comme on parlait. Donc, c'est des choses qui sont simples à implanter. C'est pas ça, on le fera ensemble, Daniel. Mais c'est quelque chose, il faut le documenter, je suis d'accord. Mais c'est pas quelque chose qui est compliqué à faire en Docker. Au contraire, c'est déjà, comme je vous dis, on est dans un monde où tout le monde s'en va vers ça. Fait que tous les problèmes qu'on vit en ce moment sont en train de se résoudre ou ont déjà été résolus. Donc, pour la partie backup, c'est déjà résolu, cette partie-là, au niveau des containers. Autre question, autre champ? Moi, j'improvise, hein? Je vous le dis. Dites-moi dans quelle direction vous voulez que j'aille, je vais y aller. Allez-y. C'est une application qui est suffisamment légère pour rouler sur un Raspberry Pi 3. C'est une application web comme un Dropbox. Okay? Mais moi, en ce moment, sur un Raspberry Pi, je suis capable de rouler un xCloud, donc mon Dropbox, un Hudoop puis un DocuWiki de front. Okay? Et la journée où ça ne sera pas suffisant, je vais changer mon Raspberry Pi pour un Vim. On parle d'une machine qui est à 75 $. Qui est deux fois plus puissante qu'un Raspberry Pi. Donc, on n'a pas besoin d'aller acheter un ordinateur de table pour faire ou d'un serveur pour héberger maintenant. On peut le faire sur des petites choses comme ça. Et ça a changé beaucoup, beaucoup la donne. Surtout, on s'entend, là, c'est l'informatique dans les 10 dernières années, hein, c'est la concurrence qui a été améliorée. Donc, c'est d'être capable de faire plusieurs choses en même temps. Il n'y a pas de choses nouvelles qu'on n'est pas capable de faire avec une petite machine comme ça. C'est le nombre de services en même temps qu'on n'est pas capable de rouler. Et quand on arrive à ces petites machines-là, on n'a pas d'interface graphique. C'est ce qui est le plus lourd. On l'élimine. Fait qu'on peut en mettre beaucoup, beaucoup de choses sur un petit Raspberry Pi. Exactement. Udo, il y a une version communautaire, gratuite, libre, que tu peux ouvrir le code, le modifier, l'éditer, changer ce que tu veux, l'adapter à ta compagnie. SAP, c'est des chaînes qui vont te mettre au poignet parce que tu vas commencer à utiliser le système, puis là, ils vont je le dirais pas, emprisonner tes données. Et c'est quand tu vas vouloir sortir de là que tu vas trouver que la facture est encore plus salée. SAP, c'est pour faire un. Ce sont tous les deux des logiciels de gestion d'entreprise. La différence, c'est que SAP, ce n'est qu'un logiciel de gestion d'entreprise. Odoo, c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui a une version qui est payante, ce qu'on appelle du freemium. Donc, il y a une version qu'on peut acheter pour l'entreprise ou on peut se l'approprier et prendre la version communautaire puis l'installer. C'est la grosse différence. Moi, je fais la promotion principalement des solutions freemium. Donc, des logiciels qu'un éditeur a décidé de faire, d'essayer d'en vivre, mais en même temps de donner jusqu'à 80% de son code de manière tout à fait bénévole à la communauté. C'est la formule Odoo, c'est la formule ClearOS, c'est la formule de beaucoup, beaucoup de compagnies comme ça avec lesquelles moi, j'essaie d'avoir des affinités. Parce qu'en bout de ligne, quand on est en entreprise, c'est bien beau d'avoir un logiciel libre et d'avoir le droit d'ouvrir sous le capot. Mais quand tu ouvres sous le capot et tu ne trouves pas le problème, qu'est-ce que tu fais? Dans beaucoup de logiciels libres, il n'y a pas de solution. Dans les solutions freemium, il y a toujours la solution de se faire virer puis de payer. C'est ça l'avantage d'être vers une solution freemium versus une solution qui est 100% libre. On veut quand même avoir un support. Mais on va le payer jusqu'à ce qu'on va en avoir besoin. C'est ça qui est intéressant avec ces solutions-là. Oui? Oui? Oui? La seule solution qui a quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle la redondance. Donc, tu dois avoir tes données à deux endroits. On va prendre ton cas, on va le pousser à l'extrême avec ce qu'on a là. On va prendre des Raspberry Pi, on va en mettre un à un endroit. Bon, de préférence, on va en mettre deux d'un bord, deux de l'autre. On va les mettre en Swarm. On va les mettre qui se connectent l'un sur l'autre, puis qui soient vraiment considérés. Ils vont se créer un réseau virtuel entre eux autres. On va s'organiser à avoir une synchronisation des données. Donc, deux Dropbox, mettons, ou un AirSync qui va se faire que les deux vont s'auto-synchroniser aux deux endroits. Au niveau du Swarm, si tu arraches un des Raspberry Pi qui a un service, automatiquement, le Swarm va en remettre un autre fonctionnel sur un autre des Raspberry Pi. Donc, ta perte de données est vraie. On tombe vraiment sur des systèmes qui ressemblent étrangement à ce qu'on a dans les grandes salles de serveurs, mais qu'on est capable de faire à la maison. De l'autre côté, je peux faire des démonstrations de Swarm. J'ai quatre Raspberry Pi. Je peux les monter un service, arracher le Raspberry Pi et vous montrer que le service redémarre de l'autre côté. Ça, c'est le genre de choses que le Swarm vient nous donner. Puis, ma solution est déjà montée sur Docker Swarm. Donc, elle est déjà prête à s'étendre sur 2, 3, 4, 10, 20 Raspberry Pi. Il n'y a pas de problème. Pour votre cas, c'est vraiment simplement d'avoir deux connexions Internet. On dit d'ailleurs que pour exister sur Internet, ça prend deux fournisseurs d'électricité, deux connexions Internet. Donc, c'est ça, c'est exactement ça pour exister sur Internet de manière pérenne, là, c'est vraiment ça. Oui? Ben, écoutez, moi, je vais traverser de l'autre côté. Je vais commencer à monter. Pour pouvoir montrer aux gens de quoi ça a l'air. Puis je vais laisser la parole. Je pense que c'est Gabriel qui prend la suite. C'est Raymond. Je m'excuse, Raymond. Ah, j'ai été trop vite. Raymond est parti il y a quelques instants. Il n'est pas revenu. Ben, ça m'a fait plaisir. Et est-ce que tu pourrais pas nous démontrer ici Parce qu'il faut que je sois sur les deux en même temps. C'est mon portant plus l'écran qui est de l'autre côté qui me permet de voir de quoi. C'est ça le problème. C'est pas... D'accord. Tout ce qui se compile en Linux peut être mis en Docker. Donc, il y a certains... Bon, si tu prends les extrêmes, on a un Docker qui s'appelle Eclipse She, qui est, pour ceux qui font de la programmation, c'est un éditeur de code intégré avec débogueur et tout, et tout, et tout. En réalité, c'est un Docker. Tu lances ton Docker et là, une fois qu'il est lancé, tu te connectes avec une interface web sur ton Docker et là, tu as un éditeur de code complet, full bloat. Ensuite de ça, KDE Neon utilise Docker pour permettre de tester la dernière distribution KDE. Je ne sais pas si vous savez un peu, connaissez un peu KDE. KDE, c'est un bureau un peu comme Windows, mais c'est juste la dernière couche qu'on installe. C'est vraiment la couche qui va dessiner les fenêtres puis décider comment gérer la souris, le clavier. Cette partie-là, elle, on peut encore la tester en lançant un Docker. Donc, on peut lancer un Docker en X, comme on dit. Là. Donc, il n'y a pas de problème. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Chez Libéo, j'ai une petite application qu'on a depuis des années, certains soucis, qui sert à créer des cartes magnétiques. Et cette application-là nécessite une vieille version de Linux. Donc, je l'ai mis en Docker. Fait que toutes les fois que j'ai besoin de la lancer, ben, Docker Run, Libéo, carte porte, puis j'embarque dedans, puis je suis en mesure de l'utiliser. C'est vraiment, c'est une des choses qui est le fun de Docker, c'est qu'on peut faire vraiment des applications qui sont pérennes. Même si je roule avec la dernière version de Linux, ben, je roule quand même une version de Linux de 2012 pour rouler ça à l'intérieur de ma machine qui roule un Linux de 2018. C'est parce que tu as la virtualisation puis tu as la mise en conteneur, c'est pas la même chose. La mise en conteneur, c'est vraiment, on va réutiliser 100% de ce qui est installé sur le host versus recréer un autre host. C'est ça la grosse différence. C'est quand tu lances une VM, tu crées vraiment un ordinateur virtuel. Quand tu lances un container, tu lances une application virtuelle qui va réutiliser toutes les couches communes de ton système, mais en faisant de l'isolation. Exactement. L'exemple que j'ai à donner, c'est, bon, tu pars une VM, bon, tu es 600 MB. Puis tu mets ton Odoo dedans, tu as monté ta bebelle. Tu prends un Docker, tu mets ton Odoo, tu vas avoir 600 MB. Ton deuxième client, ton deuxième site, tu relances une autre VM, tu relances un autre 600 MB. Dans l'autre cas, tu lances un deuxième container de la même image, 0 MB. La seule couche qu'il y a de plus, c'est les datas. Donc, au début, tu as 0 MB, puis après ça, elle va grossir en fonction des datas que tu vas mettre dedans. C'est vraiment ça la grosse différence entre la mise en conteneur et de la virtualisation. La virtualisation, c'est une technologie d'il y a 10 ans pour moi. La container, c'est la technologie d'aujourd'hui et du futur. Vraiment, on arrive à faire des choses. Parce que quand tu mets un container, tu travailles en microservice. Un microservice, ça évolue pas, ou si peu. C'est de la manière dont ils sont intégrés. Donc ça, on va changer la manière dont les Docker vont se lier entre eux autres. Mais un postfix, c'est un postfix. Un sendmail, c'est un sendmail. C'est des logiciels qui n'évoluent pas beaucoup. C'est des logiciels quand le service fonctionne, pourquoi tout mettre ça dans la grosse machine qu'on met tout à jour alors que ça, c'est un petit service qu'on pourrait laisser autonome. C'est vraiment, puis c'est plus facile à déboguer. Quand tu travailles dans un Docker, tu travailles un vrai Docker bien fait, tu travailles avec un processus. Facile de savoir s'il va bien ou s'il ne va pas bien. Tu n'as pas besoin de regarder comment il s'interloque avec les autres. Tu vas le voir dans les communications réseau entre les deux. Mais c'est facile de déboguer un service. Quand tu en as, tu es dans une VM, puis que tu as installé ton Postgres, ton NGINX, ton Apache, ça devient plus ardu de commencer à faire du debug. En tout cas, moi, je trouve franchement que c'est plus simple de faire du debug dans juste une application que de le faire dans une pile complète. Est-ce Est-ce qu'on a fait le tour? Oui? Oui, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Ce ring, je ne l'ai pas vu en Docker encore, mais ça peut se faire. Moi, je travaille avec Mattermost. Mattermost, ce qui est une application qui est dockerisée, qu'on peut mettre en Docker. Il doit en avoir d'autres, là, des systèmes de messagerie. Gabriel, as-tu des idées? Oui, Rocket Chat, qui est bien connu. Mais je vous dirais que si vous aimez le musée, vous voulez savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec Docker, il y a une place où aller, hub.docker.com. Sur le hub Docker, vous allez vous amuser à vous promener en regardant Explore. Ils vont vous montrer les Docker les plus populaires. Vous allez voir qu'est-ce qui roule le plus, qu'est-ce qui est utilisé le plus dans l'entreprise. Vous allez voir, il y a des belles solutions. Et il y a des solutions complexes qui sont sur... Bon, je vous donne un exemple. Il y a une solution axée un peu sur l'éducation qui s'appelle Big Blue Button, qui est une solution pour faire de la vidéoconférence multiple, pour donner des cours en ligne finalement. C'est une des piles les plus complexes que j'ai eu à dealer avec. La première manière que j'ai réussi de la faire fonctionner, c'est de lancer les Docker. Tout a marché du premier coup. Pourquoi? Parce que quand la poutine est mise dans un Docker, elle reste utilisable pour tout le monde. C'est ça la différence. Docker, c'est une mise en production d'un logiciel qu'on permet après ça aux autres gens de l'utiliser, cette mise en production-là. Ce n'est plus juste le logiciel. C'est comment on a été obligé de l'intercaler dans notre configuration pour que ça fonctionne. Donc, après ça, on est capable de la réutiliser. C'est ce qui fait que Docker et toutes les technologies de container vont rendre l'informatique entreprise plus facile à gérer. Parce que, bon, c'est entreprise, on s'entend, là, Monsieur Tout-le-Monde aussi a des besoins, Monsieur Tout-le-Monde va pouvoir les faire aussi, mais c'est vraiment plus les notions d'entreprise où on a des piles qui sont complexes, où les containers vont pouvoir se tirer vraiment leur épingle du jeu. À moins que ce soit toi qui prennes le contrôle. OK. Oui, il y a vraiment... Non, en réalité, tu as une application Docker, mais tu as une possibilité d'avoir un container Ubuntu, un container Debian, un container CentOS, un container Red Hat. Donc, il n'y a pas de problème face à ça. Sur Mac, sous Windows, sous Linux. C'est vraiment portable. C'est ça la beauté. En réalité, il fonctionne juste sur Linux. Hein? Sauf que Microsoft, ils vous en ont envoyé un dans la gorge sans que vous le sachiez. Puis sur Mac, ben, ils installent, quand on installe Docker, ils installent un micro Alpine Linux en dessous. Donc, c'est tout le temps des technologies qui sont basées sur Linux, même si on nous fait croire que tout le monde le supporte. Là. C'est en réalité, c'est juste Linux qui le supporte, mais tout le monde l'a intégré. C'est ça la différence. Pour ça, ils ne disent pas, là, mais Linux y a gagné, parce qu'il y en a partout maintenant. Même dans les Windows, il y en a. Là. C'est juste de savoir que c'est un Linux qui est en dessous. Quand on le sait et qu'on est conscient de ça, ben là, on se rend compte que l'informatique, elle s'en va vraiment toute vers là. Parce que tout le monde suit la vague. Tout le monde veut être capable de rouler WordPress. Tout le monde veut être capable de rouler MySQL. Tout le monde veut être... Même Microsoft, MS SQL Server est disponible en Linux maintenant. Et ça va aller de plus en plus vers ça. C'est beaucoup plus facile de garder une application Linux up and running et sécurisé que de faire la même chose en Windows. C'est la raison pour laquelle, en mise en conteneur que versus une application Windows qu'on roulerait, là, c'est vraiment plus simple. Pour vous pour dire du point de vue utilisateur, là, moi je suis passé une partie de... Oui, oui, je sais ça. Comment ça se présente pour moi maintenant? J'ai un truc à installer, iCreate. Chercher un machin, je le mets sur ma carte SD, je mets ça dans ma machine, ça va marcher. Après, j'ai ces deux machins wget à aller chercher, je les mets, ça va marcher. Maintenant, je prends mon portable à côté et je vais le connecter dessus. J'ai juste à aller regarder mon numéro IP interne, là, je tape une ligne de commande, iName, enfin hostname, espace moins i, puis il va me dire quel est mon numéro IP à l'intérieur. Donc avec ça, je me connecte. À partir de là, Ben, je vais pouvoir rentrer sur ce qu'il appelait le porteneur, c'est la fenêtre que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, maintenant, je vais voir dans les templates. Donc, je vais chercher. Et je vois DocuWiki. Parfait. Je clique sur DocuWiki. Ça commence. Il me pose les 3-4 questions. Il me demande où est-ce que je veux aller stocker mes données. C'est le volume. Et c'est fini. Au bout de 2 minutes, mon truc est en train de partir. Et ça marche. Et comme ça, ça veut dire qu'en 1 heure, je peux installer complètement mon serveur avec mes 3 services. Si ça se passe bien, maintenant ça se passe assez bien, parce qu'on l'a fait plusieurs fois et ça marche un peu. Et là, ben, au passage, il a fallu quand même qu'avant que j'ai mon nom de domaine, que j'aille me corrigner. Mais ça veut dire qu'en 1 soirée, je peux installer mes 3 services sur mon serveur et ça va marcher. Et c'est beaucoup plus facile de rajouter un nouveau service, parce que si vous allez regarder un DocuWiki, puis vous dites « je vais l'installer sur mon Linux tout seul », ah ben là, il faut regarder est-ce que tu as le bon PHP, est-ce que tu as tous ces trucs-là, etc. Ça, c'est le template que je vais chercher, qui va s'occuper de tout ça pour moi. J'ai juste à dire, je vais aller chercher, puis il va aller chercher tous les morceaux qui me manquent, puis il va aller me les installer, il va me poser 2-3 questions, et ça va partir. Et si je mets, PiwiGo, il a besoin de MySQL, c'est lui qui va charger le MySQL. Puis comme je veux transporter des données de mon backup, etc., j'ai besoin de AdMiner, et ben c'est déjà dans l'image. C'est lui qui va me l'amener, puis qui va me le mettre ici. Donc moi, j'ai un truc à aller chercher, je réponds à quelques questions, ça fonctionne. C'est ça. Donc, c'est là la simplicité que ça a amené. Évidemment, derrière, il y a toute une mécanique qu'il a fallu installer. Alors c'est pour ça que nous, on l'installe d'une certaine manière sur une certaine version, parce qu'en plus, ils nous ont changé la version en route. Oui, ça. Ça a tout cassé, donc on a stabilisé sur une version. Et donc, à partir de là, ben, ce qu'on va faire dans nos réunions et dans notre atelier, c'est qu'on va s'entretenir cette image-là, puis la rendre disponible, parce que c'est public cette affaire-là, nous on ne met pas de copyright là-dessus, parce que, oui, on met un copyright. Un copyleft ? Non, un copyright, c'est-à-dire que ça nous appartient, mais on met une licence pour que tout le monde ait le droit de... Il faut séparer le droit de possession d'un logiciel, parce qu'on l'a fait, donc il nous appartient, et là-dessus on met une licence qui fait que tout le monde peut s'en servir et la faire évoluer. Hein, c'est ça la différence. C'est la GPL. Il ne faut pas aller chercher du domaine public, par exemple. Le domaine public, comme il appartient à n'importe qui, on peut faire n'importe quoi avec. On n'a pas de contrôle. Et ça, c'est la richesse du logiciel libre, c'est qu'on a le contrôle sur l'évolution et la pérennité en commun. Et c'est pour ça que là, on peut s'attendre que si j'ai pris la version, ben là, je sais que la version fonctionne comme ça, puis je peux m'appuyer dessus, puis je peux me débugger avec la version. Et là, on a fait des petites erreurs un peu. Non, pas des erreurs au début. On a trouvé très bien de dire chaque fois qu'on va recharger redémarrer notre truc, on va les mettre à jour l'image. Sauf que on s'est créé des... Je vais la raconter, celle-là, telle qu'elle est. C'est que Docker Swarm, qui est la technologie utilisée en dessous, lui, il est très différent de ce qu'on est habitué. Ce qu'on est habitué, on est habitué de donner des ordres à un ordinateur. On lui dit « démarre tel programme ». Et si le programme ne démarre pas, ben, il arrête. Il nous donne un message d'erreur et il arrête. Docker Swarm, c'est un orchestrateur. Docker Swarm, on lui donne une situation optimum. On lui dit « c'est ça que je veux ». Idéalement, c'est ça que je veux. Puis dans notre situation optimum, on lui avait dit « ben, moi, ce que je veux, c'est que tu ramasses, que tu me roules la dernière image ». Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui change dans le temps, ça, la dernière image. Mais une journée, ben, ils ont changé la dernière image. C'était plus la dernière, c'était l'avant-dernière. Ils ont mis une nouvelle image. Et Docker Swarm, lui, s'est rendu compte de ça. Il dit « ah, moi, on m'a dit de mettre la dernière image. J'ai eu une mise à jour. Je vais faire la mise à jour ». Et c'est là qu'on a des risques de tout casser. Et c'est ce qui nous est arrivé. Le système a fait ce qu'on lui a demandé. Il a mis la dernière image. Maintenant, le système, il met l'image 1.18.1. Puis, elle va rester à 1.18.1 jusqu'à temps qu'on ait réglé le petit bobo qu'on a à régler. Mais c'est le genre de choses que Swarm va faire. C'est ce qui fait que, quand, comme je disais, le Swarm, on lui dit « je veux qu'il y ait un DocuWiki qui roule ». On enlève le Raspberry Pi où il y a le DocuWiki qui roule, ben, Swarm il dit « il faut que j'en parte un autre ». Et là, il s'en va sur un autre Raspberry Pi et il va le partir. C'est ça la différence entre un orchestrateur versus de l'impératif. Démarre. Démarre, il arrête, il n'y a rien qui va le repartir. Un orchestrateur, il va essayer de le repartir à la même place, il n'est pas capable, il va essayer de le repartir sur un autre. C'est ça l'idée des orchestrateurs. C'est là qu'on parle de haute disponibilité. Oui? Si vous allez sur linuc.org, dans la section projet, le premier projet, c'est hébergement sur Raspberry Pi. Vous allez trouver toute la documentation, puis vous allez vous rendre compte que j'ai quasiment lu le texte qui est marqué là-bas. Donc, ça explique vraiment en étape par étape pour les faire. Juste pour expliquer là, les deux lignes de code, les trois lignes de code à faire pour l'installer, là, c'est celle-là pour aller chercher l'installateur, celle-là pour aller chercher le Docker Compose, puis bon, en normalement, juste un install.sh devrait suffire pour que le reste se fasse. Donc, il va vous poser des questions, puis il va lancer toute la pile tout seul. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Au retour de tout ça, ben là, c'est de se connecter avec un autre ordinateur, parce qu'on s'entend, c'est un serveur. Un serveur, on ne se connecte pas dessus. On l'utilise avec une autre machine. C'est très rare qu'on va utiliser, on va se connecter directement sur un serveur. Fait que le Raspberry Pi, moi, chez moi, là, il est dans ma boîte électrique. C'est là qu'il est hébergé, parce que c'est là qui est mon entrée de vidéo de Bell. Fait que c'est au ras de mon entrée de Bell. J'y vais jamais me connecter dessus. C'est avec tous les autres ordinateurs de la maison que je vais accéder au Raspberry Pi, soit en service ou soit via Portainer, pour être capable de lancer de nouveaux services. Ça, je vais pouvoir tout vous montrer ça de l'autre côté, en espérant que la démonstration aille bien. Je ne l'ai pas encore testé. La documentation, c'est encore un peu brouillon. Hein? On a travaillé cet été. La qualité de la documentation est très bonne, Daniel. Même si tu dis qu'elle est un peu brouillon, elle est très bonne. Parce que ça va dans une direction, d'une page, puis après on a dit, ah, je sais, il y en a que j'ai écrites là. Mais ça, elles sont à corriger, à enlever, à remettre sur... Ça, c'est le job qu'on va faire ces temps-ci, et c'est le but de nos ateliers un peu. Et au fur et à mesure qu'on va le refaire, je vais le refaire. Là, il faut qu'on repasse à travers une installation à zéro. Puis là, on va dire, OK, ça serait mieux d'expliquer. Il y a des petits bouts comme ça qui arrivent. Par exemple, j'ai décidé que j'essayais de convaincre deux petits-enfants d'utiliser des Raspberry. Il y en a un qui a un couille, puis il y en a l'autre qui est ici. Là. Donc, je me dis, il faut que j'aille les aider. Alors, il y a un très bon logiciel qui est déjà installé, pas totalement libre, mais ce n'est pas tellement grave. Parce qu'on a quand même le contrôle dessus, ce qui fait que je peux faire... Alors là, j'ai voulu l'installer, mais il y a des fois, c'est pas très simple, c'est quel mot de passe il veut faire, un parti en anglais, etc. Alors quand on fait des choses comme ça, ben, on fait un compte-rendu de ce qu'on fait, on le fait faire avec quelqu'un d'autre, puis là, à ce moment-là, on a une documentation. Il ne s'agit pas de refaire toutes les autres documentations, des fois, nous, c'est un lien, mais au moins de dire, ben, si vous voulez faire ça, voici une façon qui nous a bien marché. Et puis, on va évoluer comme ça parce que ça change. Mais je dirais que la documentation qui est sur le site est suffisante pour réussir à être fonctionnelle. Selon moi, il ne manque pas grand-chose là, pour pouvoir vraiment arriver à se rendre. Il y a Jean qui n'est pas ici, là, qui a fait un très, très, très bon travail de rédaction au niveau de la documentation. J'aurais aimé ça le remercier d'ailleurs, mais bon, ce sera pour une autre fois. Mais la documentation est bien faite. C'est sur un DocuWiki, vous allez pouvoir la récupérer puis consulter. Mais moi, je considère que c'est à un niveau là, où monsieur tout le monde peut l'utiliser. C'est pas besoin d'être un Bob pour pouvoir l'utiliser. Bob est ici, c'est admin aussi chez Libéo. Donc, c'est ça, là. C'est pas besoin d'être... Oui. Pour remonter en amont, etc. Donc, lui, c'est parfait. Oui, c'est ça. Nous, des fois, c'est un problème. Alors, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas vraiment... se lancer tout seul dans son coin, je dis, va falloir accepter de passer un peu de temps, d'apprendre un petit peu. Et c'est pour ça qu'on promeut un peu l'idée de Linux, et ben, faisons-le ensemble. Je veux dire qu'on en a des gens qui sont très bons, et quand vous allez aller chercher de l'aide de quelqu'un qui est très bon, il faut préparer le travail. Il faut que vous l'amenez tout de suite sur le bobo. Sinon, ça peut prendre beaucoup de temps à tourner en rond, puis il y a autre chose à faire. Hein, donc, il faut apprendre à travailler en communauté comme ça si on veut gagner en autonomie. Mmh. Mais je ne dis pas que c'est très difficile. La preuve, il marche, mon truc. Hein. Ce que j'aimerais qu'on essaye, c'est qu'on se connecte à 10 en même temps sur aquarelle.pasco.ca pour voir si ça marche. Voir la charge. À 1, c'est vite. À 10, est-ce que ça va toffer la ronde? Je pense que oui. Hein, j'ai essayé à 4-5, ça marchait déjà pas mal. Donc, de toute façon, si ça marche à 4-5, pour ce que je fais, c'est largement en masse. Hein. Et comme même si je mets trois services, ils ne vont pas être actifs les trois services en même temps. Donc, c'est chacun à son tour. Etc. Je peux vous dire que depuis deux semaines qu'il marche, je mets le doigt sur mon Raspberry, c'est à peine tiède. Ça ne chauffe pas beaucoup. ça ne consomme quasiment pas d'électricité. C'est pour ça que si vous allez vers ça, vous avez le choix. On peut récupérer un vieux PC, puis essayer de le faire, ou on peut prendre un truc comme ça. Moi, j'aurais tendance à prendre un truc comme ça, parce que rien que le prix d'accord, puis ça ne fait pas de bruit. Votre vieux PC, il va tourner, il va faire du bruit. Tandis que ça, c'est parfaitement silencieux. Donc, en fait, pour faire ce genre d'utilisation, ces boîtes sont vraiment très bien faites. Puis en plus, vous pouvez faire des tas d'essais. Vous enlevez la petite barrette, vous en remettez une autre à la place, puis vous venez de changer votre système dedans. Donc, on peut faire plein d'essais à partir de là. Puis après, on laisse une boîte calme dans un coin, près de l'entrée du coup. Parce qu'on est mieux. Ça marche en sans fil aussi. Oui. Ça marche. Mais si vous le mettez en serveur, vous êtes quand même mieux de mettre une connexion filaire. C'est plus stable, ça va mieux. Alors, c'est pas la peine. D'ailleurs, lui, quand on le démarre au départ, il n'a pas le sans fil. Donc, il faudrait l'installer en ligne de commande. Mais là, on met son lien. Donc, vous prenez votre truc, vous le connectez, vous mettez la petite barrette que vous avez remplie avec la procédure qui dit vous allez chercher ça sur Internet, vous le copiez sur la petite barrette, on vous dit comment faire, vous démarrez, puis c'est parti. Et à partir de là, on est l'entrée, vous mettez le mot de passe par défaut qu'on vous donne, vous le changez si possible, après pour un bon mot de passe, et puis c'est parti. La barrette, tu veux dire une carte SD ? Oui, une micro SD. C'est une micro SD. Moi, j'aimerais conclure de la manière suivante. En informatique, là, puis en technologie en général, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut soit se l'approprier ou soit l'acquérir. L'appropriation, ça passe par un investissement de temps. L'acquisition, ça passe par un investissement d'argent. Donc, vous décidez qu'est-ce que vous voulez. Généralement, quand on fait de l'appropriation, c'est pérenne, ça va rester. On a compris, ça marche. On est capable de le réparer, on est capable de l'entretenir. On peut au moins, si on n'est pas capable de le réparer, on est capable d'en repartir un autre pareil. C'est ça qui est le fun de l'appropriation. L'acquisition, ben, ça marche le temps qu'on paye, puis le temps que les autres qui reçoivent l'argent sont contents. Parce qu'ils peuvent décider demain que quand on paye, que c'est pas qu'on paye pas assez. Ou ils peuvent décider que c'était pas assez payant, puis de tirer la plug. Donc, moi, c'est pour ça que moi, je fais partie de l'appropriation technologique versus l'acquisition. Puis pour moi, c'est une bonne manière de permettre aux gens de s'approprier des technologies simples, comme pourrait l'être Dropbox, et de l'avoir à la maison plutôt que de l'héberger chez Dropbox ou ailleurs. Bon, merci Benoît, c'était super. Donc, si ça intéresse plus la technique, on va être en arrière. Voilà, donc la démonstration est accessible de l'autre côté dans le point rencontre. Mais vous pouvez aussi différer la technique ou si les gens sont très à l'aise. Sur la navigation, là, le sujet de notre deuxième conférence cet après-midi, ça va être la navigation sur l'Internet. Donc, c'est peut-être un peu plus accessible pour les personnes peu familières avec l'informatique. Donc, les gens qui veulent suivre les choses pointues de Benoît peuvent aller tout de suite voir. Et en tout cas, on va laisser la parole à Raymond Ouellette maintenant pour la deuxième conférence sur la navigation sur l'Internet. Et Raymond Ouellette, pour le présenter, est un démographe de formation, donc il n'a pas grand-chose à voir avec l'informatique au départ. Mais c'est un très bon exemple de spécialiste en micro-informatique autodidacte. Il en fait depuis 35 ans et il a découvert les logiciels libres et Linux en 1998. Il les utilise exclusivement à la maison et également quand il le peut, quand il le pouvait, à son travail. À Linux, on apprécie toujours beaucoup ses présentations parce qu'elles sont très claires, très pédagogiques. Et aujourd'hui, donc, il va nous parler de la possibilité de naviguer sur l'Internet de façon un peu plus sécuritaire que ce qu'on fait en général avec le furteur Firefox. Raymond ?